Mercredi 19h, 19h30, Made in Fadjet, l'émission des émissions de Fadjet. Bonsoir et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Fadjet, rendez-vous qui vous fait découvrir ce qui se cache derrière les titres de vos émissions préférées. Le concept est simple, une demi-heure, une émission à découvrir, et surtout découvrir son ou ses animateurs, ou ses animatrices d'ailleurs. La semaine dernière, pour la première de Made in Fadjet, si vous étiez avec nous, nous sommes partis avec Yves, notre responsable de la programmation, à la découverte de la grille de rentrée de Fadjet et de ses nouveautés. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons partir à la découverte de la première émission quotidienne qui apparaît sur la grille des programmes de Fadjet, l'émission qui vous réveille tous les matins dans la joie et la bonne humeur, à savoir 94.2 services compris. Et pour nous la présenter et nous la faire découvrir, qui de mieux que son coordinateur François, avec qui nous allons faire plus ample connaissance aussi. Bonsoir François. Bonsoir Fabienne. Ça va? Bah écoute, oui, je suis content d'être avec toi et de partager cette deuxième émission de Made in Fadjet. Et tout à fait. Alors 19h, toi, c'est pas vraiment ton heure, t'es plutôt du matin. On est plutôt du matin, effectivement. La matinale, c'est un programme de 7h à 8h30, qui se déroule tous les jours, et l'originalité est dans la diversité des équipes. Ouais. Donc c'est une équipe différente chaque jour. Mmh. Et donc, le plus souvent aussi avec des invités. Oui. Du monde culturel, social, artistique, associatif. Et c'est un programme convivial, je le défends ainsi, où on essaye justement d'avoir de la complicité entre les animateurs, que les gens se retrouvent tous les matins, parce que c'est pas évident. Hein. Bien sûr. C'est le matin quand même. C'est pas évident pour nos auditeurs, parce qu'il faut se lever à un moment donné, et c'est pas évident non plus pour nos animateurs, non. Parce qu'on rappelle, Fadjet, c'est une radio associative, donc ce sont des essentiellement bénévoles. Des bénévoles, effectivement, qui viennent vous réveiller tous les matins. Donc tu nous disais une équipe différente tous les jours, donc ça fait à peu près combien d'animateurs bénévoles qui se relaient sur la semaine? Là, à 7h, nous avons une vingtaine d'animateurs, ouais, sur la semaine. C'est des équipes de 4, voire 5 animateurs, enfin chroniqueurs et animateurs techniciens. Et donc oui, en règle générale, ils sont quand même dans les studios à partir de... Allez, 6h, 6h30 au maximum. Pour ceux qui vont les infos, ben, faut qu'elles soient le plus fraîches possible. Et donc, en l'occurrence, parfois, travaille tard sur le flash info et levé tôt. Tout à fait, exactement. Levé tôt, en deux mots. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de veto. Non, pas de veto. Pas du tout. Donc, tu le disais encore une fois, c'est vraiment une ambiance conviviale. Oui. C'est vraiment le projet de cette émission. Le titre, c'est 94.2, services compris. C'est ça. Donc là aussi, tu le disais, des invités pour rendre service un peu à nos auditeurs, c'est-à-dire donner des petits conseils, oui, pratiques dans tous les domaines, c'est ça? C'est un programme en fait qui est diversifié, parce que bah, y a des chroniques un petit peu, voilà, on fait des retours sur les médias, l'actualité, etc. Mais il y a aussi des bons plans, des choses de la vie pratique, de la vie quotidienne, des petites choses qui peuvent informer, divertir, expliquer aux auditeurs voilà, le quotidien. Exactement. Donc si vous avez envie de vous réveiller dans la joie, la bonne humeur, la convivialité, et aussi découvrir peut-être des gens, des associations, oui, des structures locales, c'est que ça, vous n'avez pas l'habitude d'entendre ou de voir, eh bien c'est sur l'antenne de Fadjet que ça se passe. Et là aussi, l'originalité de Fadjet, c'est que souvent sur les grandes radios, entre guillemets, la matinale, c'est un animateur qu'on retrouve tous les jours. Nous, c'est vraiment différent chaque matin. Toutes les voix sont différentes chaque matin, des filles, des garçons, des jeunes, des moins jeunes. Mmh. Et donc, c'est ça justement. C'est qu'on peut aussi s'attacher peut-être à une journée, pourquoi voilà, pas. Tout à fait. Ça veut dire un rendez-vous, parce qu'on retrouve, on détaillera un petit peu plus avec toi le contenu un petit peu de la matinale et suivant les jours justement tout à l'heure. Mais c'est ça, ça veut dire que chaque jour, il y a aussi des rendez-vous différents, il y a des gens différents, il y a un ton différent. Oui. Et ça permet aussi de se dire, tiens, moi ce matin, c'est Fadjet que je vais écouter, peut-être pas forcément tous les jours, mais au moins s'habituer, s'attacher à des gens. À l'équipe, à des gens. Et c'est vraiment l'idée. Et toujours, moi, c'est ce que je privilégie, je pense, avec les animateurs bénévoles, ce qu'on essaye de faire passer, c'est qu'il y ait de la simplicité, de la convivialité, de la complicité entre eux, lorsqu'ils font des chroniques. Et puis, à partir du moment où on veut faire passer un message intéressant et qu'on le fait avec le cœur et la passion, sans être un fin un fin technicien de la parole, mais simplement en essayant de transmettre quelque chose simplement, c'est vraiment le mot, et ben ça passe toujours, et donc c'est ce qu'on privilégie le matin, quoi. Tout à fait. Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc toi, je disais en présentant l'émission que tu es le coordinateur de cette émission. En gros, ça consiste en quoi ton travail? Alors déjà, tu es salarié, toi, un petit peu. Oui, je suis salarié un petit peu, mais c'est déjà bien. Ouais. Parce que bon, au départ, effectivement, j'étais bénévole pendant plusieurs années sur le programme La Matinale. Après, bon, moi, j'ai eu un programme entre guillemets à moi qui était lié au rétro. On va découvrir d'ailleurs petite musique tout à l'heure. Et avec ma partenaire aussi. Et l'idée, donc, moi, c'est que le boulot de coordinateur, c'est... essayer que tous ces bénévoles, moi je sais ça, en fait l'idée c'est que tous ces bénévoles qui sont finalement chaque jour et qui pourraient ne pas se rencontrer soient aussi, on donne l'impression d'avoir une équipe, un groupe commun, que les gens se retrouvent aussi par le biais de diverses réunions, on fait des réunions de matinaliens, on les appelle ainsi, c'est aussi de trouver des invités, de coordonner les équipes, voilà, parce qu'il y a des absences aussi en fonction de leurs emplois du temps, de combler aussi ces absences-là à la technique, à l'anime ou aux chroniques, et puis de faire du lien entre tous ces gens. C'est un peu le boulot. Exactement, de faire en sorte que ces gens forment une vraie équipe. C'est ça, c'est moi pas c'est évident, vraiment ça. Parce que c'est vraiment des gens, tu le disais tout à l'heure, qui arrivent, pour certains qui n'ont jamais fait de radio, qui découvrent la radio. Et toi, tu es là pour en fait faire le lien entre toutes ces équipes-là et qu'à l'antenne, ça s'entende, c'est ça ? Oui, je pense, parce que tout le monde, naturellement, on ne va pas les uns vers les autres. Hein. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres à communiquer. Et donc, entre autres, ça peut impressionner la radio, de parler au micro, etc. Donc quand on arrive la première fois, on n'ose pas faire grand chose. Et l'idée, c'est que ceux qui ont un petit peu plus d'expérience soutiennent un peu les autres et que ça se passe comme ça, une transmission, un partage. Moi, je pense que c'est l'idée de la matinale. En gros. Et c'est une belle idée, en tout cas, c'est celle qu'on a envie de retransmettre à l'antenne aussi. Et j'espère que nos auditeurs l'entendent aussi, ça, quand ils se branchent sur le 94.2 le matin à partir de 7h. Oui. Donc toi, tu disais, tu es arrivé en tant que bénévole. Donc dans la matinale. C'est ça. Comment t'es arrivé alors? De quelle manière? Alors je suis arrivé par l'intermédiaire de Steve, l'ancien coordinateur, avec lequel je faisais du théâtre d'improvisation, parce que c'est en quelque sorte de là où je viens. Et puis il m'a dit un jour, si tu veux écrire une chronique, je crois que c'était un peu humour, viens dans la matinale dont il s'occupait. J'y suis venu comme ça. Je faisais cette chronique humour de 7h à 7h30. Et puis petit à petit, on vient pour une chronique, puis après on dit tiens, j'ai envie d'essayer ci, ça, parce qu'il y a quand même il y a quand même beaucoup de chroniques sur une heure et demie de programme. Et puis de fil en aiguille, j'ai envie de m'essayer à la technique, j'apprends avec quelqu'un qui était là aussi. C'est toujours l'idée de la transmission et du partage. On a toujours quelqu'un qui connaît un peu plus que nous, donc ça se passe comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, je m'occupais d'un jour, de deux jours, et puis voilà, ça a poursuivi. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cet outil radio? Ce qui me plaît dans l'outil radio, c'est vraiment, c'est encore toujours ces mêmes mots que je répète, mais c'est partager avec les gens quelque chose qui nous plaît, qui nous tient à cœur. Et puis, c'est le côté passion aussi de l'outil radio, de la communication que j'aime. Et moi, c'est ce qui me plaît. Exactement. Et toi, à côté, donc tu dis que tu viens de l'univers un peu du théâtre. Du théâtre, oui. C'est complémentaire, ces outils-là. Oui. C'est aussi un mode d'expression, le théâtre. Ah oui, c'est, je pense que c'est vraiment complémentaire. Et la preuve, c'est que beaucoup de gens viennent aussi à la radio. Par timidité aussi, envie de s'extérioriser, de verbaliser, d'apprendre à communiquer avec les autres. Tout comme le théâtre aussi, on y vient aussi pas forcément que pour l'aspect artistique, mais on y vient aussi pour un travail sur soi. Et je pense qu'à la radio aussi beaucoup, ici à Fadjet, beaucoup de gens y viennent aussi pour travailler sur eux-mêmes. Ce que tu nous dis, on n'a pas besoin justement d'être un très grand orateur pour faire de la radio, au contraire. On peut aussi partir et travailler sur un peu ses limites peut-être pour progresser. Et parfois, c'est des gens... plutôt un peu réservés, plutôt qui n'ont pas forcément une facilité d'emblée de communication, qui deviennent petit à petit presque les meilleurs parce qu'ils ont un sens peut-être un peu de l'écoute. Sensibilité. C'est ça, une sensibilité. Beaucoup. C'est ça qu'il faut important. Aussi. C'est une vraie sensibilité qui fait qu'on on se remet un peu en question, on apprend avec les autres, on apprend des autres. Et en l'occurrence, là, voilà, c'est une équipe. Donc, il y a toujours quelqu'un qui, fait, qui a un peu plus d'expérience, donc qui apprend. Et là, on y vient, et je pense qu'il y en a de plus en plus qui y viennent aussi parce qu'ils ont envie de partager une passion. Effectivement, à la radio, c'est aussi ça. C'est l'outil, c'est communiquer des auditeurs. Mais l'idée, c'est aussi vraiment de travailler sur soi. Je pense que ça, c'est intéressant aussi. Et parce que tout le monde, n'importe qui vient sur une matinale et qui commence à le stress, l'angoisse de parler, la peur voilà, d'être écouté. Et donc, c'est valorisant quand on a fait ça. Même une météo, la première météo, je pense que, parce que c'est souvent le programme vers lequel on vient le plus facilement quand on vient à la matinale. On fait une météo en premier lieu, après une éphémérie, des choses comme ça. Mais ça valorise de réussir à faire ça. C'est François qui est notre invité de Made in Fadjet ce soir. François, le coordinateur de la matinale, qui nous a parlé avec passion de cette émission qui vous réveille tous les matins. On va continuer à faire connaissance avec lui, avec cette émission. Et en même temps, toi, tu es passionné, alors tu disais, de théâtre. Et puis aussi de rétro. Oui, de rétro. Tu as d'ailleurs une émission. Une émission qu'on a lancée avec Anaïk, donc, qui ne faisait pas de radio non plus, qui aussi a pris beaucoup avec la radio, effectivement, notamment la communication, l'expression. Voilà, c'est vraiment clairement évident que elle a utilisé aussi l'outil radio pour ça. Et donc, on est passionné de rétro, de la mode, de la déco, de la musique, des artistes, et surtout de l'action locale qui se fait aussi dans ce monde-là. Et donc, c'est une émission qui est mensuelle, qui est le troisième vendredi de chaque mois de 17h à 17h30. Coup d'œil dans le rétro. Voilà, tu viendras nous en reparler dans quelques temps, plus spécifiquement. Et là, tu vas nous présenter en fait une petite musique rétro. Alors, juste avant, ça devient d'où cette passion pour le rétro? C'est quand même original. Aucune idée. Alors, tu sais, il y a quand même une tendance aujourd'hui. On est toujours nostalgique de toute façon. Peut-être parce que j'en sais rien, je reste jeune, je pense, mais j'avance dans l'âge, mais je suis nostalgique. Ça veut dire quoi, nostalgique? Nostalgique, c'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup de choses du passé qui me plaisent et qui me plaisaient quand j'étais plus petit. Et puis, la mode, je trouvais, par exemple, dans la mode, typiquement, une élégance. Dans la musique, des différences de style plus marquées. Dans la décoration d'intérieur aussi, la décoration épurée, enfin, des choses que j'aimais bien d'époque. Et donc, j'y suis venu peut-être comme ça. Puis on commence par chez soi, on achète du mobilier de déco. Donc chez toi, c'est un peu rétro. C'est rétro, essentiellement. C'est aussi économique, parce qu'on réutilise des choses qui ont déjà eu une vie. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est du recyclage. On va rechercher un meuble qui a eu peut-être une vie dans une famille, ou dans deux familles, dans trois familles, et on lui redonne une autre vie chez nous. D'accord. Donc c'est peut-être un peu rassurant aussi. C'est rassurant, oui. Voilà, c'est aussi du passage d'objets, de choses qui ont déjà eu une vie ailleurs. C'est et ça. Du coup, ça vient vivre aussi un peu chez soi. C'est ça. Tu viendras nous en reparler vraiment plus amplement. Et donc la musique, t'es aussi un peu rétro, toi? Un petit peu rétro. Alors je suis pas un fin spécialiste, je balaye plusieurs époques. J'ai mes 70, les années 60 aussi. Et là, en l'occurrence, un des classiques américains qui est Elvis Presley avec Jailhouse Rock. Et bien, le King, on l'écoute tout de suite. Bien évidemment, on l'écoute. C'est parti. Little Joe would blow Jusqu'à 19h30, c'est Made in Fadjet, l'émission des émissions de Fadjet. Made in Fadjet. Et c'est François, mon invité du soir, on va dire, voilà, qui est plutôt le matin, lui, à l'antenne. Oui, puisque le matin. Il est, vous le retrouvez régulièrement dans la matinale de Fadjet, il en est le coordinateur. La Mais matinale. Pas forcément l'animateur, hein, effectivement. Exactement. C'est, ouais. On ne te retrouve pas tous les matins. Non, pas du heureusement, tout. Heureusement. Hein, voilà, tu nous le disais tout à l'heure, des équipes d'animateurs chaque matin, différentes. Bénévoles aussi, ça on le souligne. Des gens qui font autre chose à côté et qui viennent quand même ici très tôt le matin pour vous réveiller. Donc voilà, dans une ambiance conviviale, c'est ce que tu redisais. C'est vraiment l'esprit que tu as envie de donner à cette émission et on l'entend bien si vous venez nous rejoindre les matins sur l'antenne de Fadjet, on entend cet esprit de convivialité et c'est ça aussi qui est très sympa parce que en fait le matin, en gros les gens ils ont envie de se réveiller dans la bonne humeur. Ouais c'est ça, c'est ça. Si c'est pour plomber l'ambiance, alors il y a toujours déjà suffisamment le fil d'actualité et les informations pour un peu rappeler que c'est pas toujours très gai. Donc là tous les matins il y a des flash infos. C'est ça, 7h, 7h30, 8h, 8h30, c'est le point d'orgue de la matinale, c'est des moments bien précis où faut être à l'heure. Voilà, c'est 7h, 7h30, 8h, 8h30, c'est le flash info. D'accord, donc ça c'est le point de repère de tous les jours. Exactement. Et après, donc chaque jour a un peu sa spécificité. C'est-à-dire, oui. Voilà. Alors tu peux nous faire un petit point justement pour que nos auditeurs se disent, ben tiens, moi je suis plutôt passionné de ça, je vais peut-être écouter tel jour. Alors les spécificités, c'est surtout sur il y a des rubriques, donc ouais. Des rubriques hebdo, une rubrique hebdomadaire. Donc en l'occurrence, en sortie de week-end, le lundi c'est souvent les résultats sportifs ou l'actualité sportive. Le mardi c'est les sorties musicales, ça c'est national. Et le mercredi c'est les sorties ciné, souvent. Ça c'est les rubriques hebdo. Qu'on retrouve, il y a de la littérature aussi le mercredi en l'occurrence. Il y a une tonalité un peu particulière effectivement parce qu'en quelque sorte il y a deux littéraires le mercredi, un qui est ils sont assez ciblés sur l'humour tout de même l'un et l'autre. Donc un fait une rubrique sur les indépendants qui sortent leurs livres et l'autre c'est des petites chroniques de gauchers, c'est des de chroniques gaucher. Voilà de gauchers. Voilà, on parle pas que des gauchers mais c'est la thématique et c'est humoristique, c'est drôle, c'est André qui fait ça le mercredi et donc c'est un petit billet qu'il écrit lui-même le jeudi. Alors si vous êtes gaucher, écoutez la matinale du mercredi, voilà, parce que là, et puis même si vous êtes droitier, parce même que si du vous coup droitier. Vous allez apprendre des choses sur les gauchers assez rigolotes. Effectivement, j'ai appris qu'on pouvait être gaucher de l'oreille. Ah gaucher oui. Du cerveau, gaucher de l'œil. Ah d'accord, on peut être gauche aussi. Oui voilà, on peut être gauche aussi. Mais c'est vrai que voilà, on n'est pas, c'est non, pas non, seulement main et pied. André était super original voilà. Dans la présentation de ces petits trucs, enfin de ces particularités on va dire. Voilà, c'est ça. Et donc en l'occurrence, alors le jeudi c'est pareil, il y a aussi, finalement on retrouve une tonalité un peu humoristique aussi le jeudi, avec aussi les sorties potentielles du week-end. Donc en gros ça c'est la rubrique hebdo. Et puis après il y a des choses qu'on peut retrouver tous les jours, comme ce que vous pouvez retrouver à la télévision le soir, par exemple, des chroniques emploi aussi, multimédia, les nouvelles technologies. Ça aussi, c'est des chroniques qui reviennent, des insolites, c'est aussi des petites chroniques drôles, sur la vie pratique, des choses dont on a besoin de savoir dans la vie de tous les jours, qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. C'est une chronique qui revient cette année, qui n'était plus forcément utilisée auparavant. On a vu bien le rétro. Voilà. Et alors donc cette année, François nous a ressorti, c'est ça, des chroniques qui existaient. Exactement. Dans des matinales d'il y a quelques années. Oui. Et qui sont, alors par exemple, il y a... Il y a donc Vie pratique, ouais. Que je trouve très utile. Ouais. Donc voilà, ça va aller de la recette. Voilà, qu'on va proposer aux gens avec simplicité, comme l'a fait Olivia autour des pommes et des compotes de pommes, tout bonnement dans le monde de l'emploi. Enfin, là, moi, en l'occurrence, c'était sur les agir quand on est indépendant, sur les réseaux sociaux, voilà, pour pas porter préjudice à son activité. Donc, ça va, c'est un panel assez large. Tous les petits trucs qu'il faut savoir dans la vie de tous les jours. Pour la vie quotidienne. Ça peut être du logement, enfin voilà, plein de choses. Et Simple comme bonjour aussi, donc qui est une chronique courte où on explique des choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, pourquoi la couleur de Facebook est bleue et blanche pourquoi... Ça, c'est une question. Voilà. Vous avez la réponse dans la matinale. Voilà, on a la réponse dans la matinale. Et effectivement, c'était parce que, comment il s'appelle, Zuckerberg était et daltonien. Et donc simplement pour ça. Et donc les couleurs qui ressortaient sont le bleu et le blanc quand si on est daltonien. Si vous avez envie de découvrir donc plein de petites astuces comme ça, hein, qui peuvent vous servir autour de la machine à café quand vous discutez avec vos collègues. Oui, ça peut être utile et sympa. Ça nous rend plus intelligent comme ça. Ça a l'air de nous rendre plus intelligent. Mais en tout cas c'est sympa, c'est des petites choses comme ça qu'on retrouve aux aléas d'une discussion. C'est et ça. C'est bien de pouvoir mettre son petit grain de sel en se disant bah tiens moi je sais. Et je trouve que c'est des chroniques qui ont toute leur utilité dans le programme de matinale. Exactement, aussi. Donc on voit bien des chroniques très pratiques, très utiles. On a envie vraiment d'apporter de l'information, à la fois sérieuse et moins sérieuse, c'est ce qu'on vient de voir, mais c'est ça aussi le but de la matinale. On ne va pas faire que des infos sérieuses. Mais effectivement, avec toujours derrière une petite utilité, que ce soit pour bien réveiller nos auditeurs, leur apporter de l'info. Et puis il y a aussi les invités qui sont là aussi pour apporter justement un contenu et faire découvrir aussi des choses. Alors là, les invités, c'est aussi dans tous les domaines ? C'est varié. Alors c'est selon aussi l'actualité, les événements qu'ils proposent. Donc on met aussi un coup de projecteur sur leur événement. Mm-hmm. Hein, et donc là, c'est des invités du monde social aussi, du monde associatif, du monde culturel, artistique. Et l'idée, c'est d'informer sur des choses qu'on ne connaît pas forcément, qui vont se passer cette semaine, le week-end. Voilà, c'est un peu... on vient mettre pendant une quinzaine de minutes, on donne la parole à cet invité. Voilà, 15 minutes, c'est bien pour une radio. C'est un long temps d'antenne, et c'est assez rare en radio, donc pour le préciser. Mmh. Donc voilà, c'est l'idée est là. Et là, c'est à peu près combien de fois par semaine ? Alors là, on commence fort, hein, on en a quand même 4 ou 5, mais en règle générale, on va dire 3 invités par semaine. 3 invités par semaine d'univers différents, donc là aussi, soyez bien à l'écoute, parce que vous pouvez en apprendre des choses vraiment sur ce qui se passe localement. C'est ça. Et voilà, dans tous les domaines, que ce soit le domaine culturel, le domaine de l'emploi, de l'insertion. Vraiment, soyez au rendez-vous parce qu'il y a des choses que vous retrouverez sur la matinale de Fadjet que vous ne retrouverez pas ailleurs. Tout simplement aussi, peut-être parce qu'on est une radio associative, Fadjet. C'est ça. Et qu'on a peut-être plus, je dirais, la réactivité pour trouver des invités. C'est ça aussi. C'est-à-dire... on peut aller très vite, passer un coup de fil, on n'est pas sur l'audimat forcément, ça compte. Bah oui, je pense que ça compte. Et puis, tous ces invités aussi, hein, c'est des invités aussi prestigieux, hein, qui ont à cœur, je pense qu'ils ont dans leur cœur aussi Fadjet, et qui apprécient venir ici pour parler de leur projet et aussi d'avoir du temps pour en parler. Voilà, parce que c'est rare en radio, souvent on a une minute, deux minutes. Ici, on fait une coupure, on a 6 minutes. Une coupure musicale et on refait 6 minutes derrière, donc ça laisse le temps d'expliquer un peu plus en détail ce qu'on fait et ce qu'on propose, quoi. D'ailleurs, on peut lancer un petit appel du côté des invités aussi, hein, si vous êtes une structure locale, une association, même une institution, si vous avez envie de venir nous faire découvrir votre structure ou un de vos projets, c'est tout simple, hein, c'est Fadjet, c'est sur le site internet www.fadjet.net. Vous pouvez trouver tous les contacts possibles à contact@fadjet.net, un petit mail, et on vous répondra aussi très rapidement. On a une page aussi, hein, faut le préciser, page Facebook de l'émission. On va essayer aussi cette année d'isoler les petites interviews et de les mettre à disposition des gens. Ouais. Voilà, donc sur la page Facebook de l'émission qui est 94.2, services compris. Ça c'est le programme de la saison dite régulière. Et l'été, il y a un programme aussi particulier, hein, sur le mois de juillet qui est 94.2, soleil compris. Exactement. Et donc il y a une matinale un peu plus condensée sur un format d'une heure. Tout à fait, mais la matinale vous accompagne aussi tout l'été. Tout l'été. C'est ça aussi. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Ça veut dire que aujourd'hui, la radio ne fonctionne plus en vase clos. C'est-à-dire qu'à côté de ça, il y a d'autres supports de communication. Oui. Je disais par exemple le Facebook, les réseaux sociaux et tout ça. Toi, dans ta pratique, en tout cas en tant que coordinateur de la matinale de Fadjet, ça a une vraie utilité, ça, de pouvoir être sur les réseaux sociaux. Ah oui. Ouais. Pour beaucoup de choses, pour l'organisation en l'occurrence aussi, parce que tout le monde quasiment, jeunes et moins jeunes, sont à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. Et moi, rien que pour une question logistique, ça me permet d'avoir, parce que tous ces bénévoles ne sont pas en permanence dans les studios. Et les mails, bah, y a un temps de réaction aussi. Les coups de téléphone, bah, pareil, on peut pas répondre forcément. Et les réseaux sociaux, c'est instantané. Tout le monde y est, et même tout, ça peut faire peur aussi, tout au long de la journée. Et donc, ça permet de communiquer avec les différentes équipes chaque jour. Donc voilà, j'ai en gros des fils de discussion où je communique avec les équipes pour les inviter, pour leur proposer des explications sur les invités qu'ils vont avoir. Et on parlait de ça justement sur les invités. Ça permet encore aussi dans la matinale de travailler une autre chose qui est l'interview. Voilà, chacun s'essaie, c'est un peu stressant, on connaît pas la personne, on connaît pas son sujet, ben on se renseigne sur le sujet, on se renseigne sur la personne. Et donc l'interview, c'est aussi un autre point qu'on travaille dans la matinale. Et donc oui, les réseaux sociaux, l'importance de communiquer, de faire découvrir. Et puis il y a des gens qui sont pas forcément du matin, de réécouter aussi des choses, c'est ce que tu disais. Exactement. Aussi la pouvoir écouter une interview du jour, un podcast aussi de l'émission, parce qu'on est en podcast aussi, et ça fait partie de l'évolution vraiment de la radio, dans sa manière d'écouter. C'est vrai que les gens aujourd'hui ont l'habitude de pouvoir écouter des choses quand ils le souhaitent et pas forcément au moment où c'est diffusé. C'est alors ça. Bien ou moins bien, c'est un débat. Oui. Parce que effectivement on peut écouter quelque chose qui passe à 7h le matin, le soir à 22h. Oui. Alors voilà, après c'est de la facilité, mais en tout cas la radio aujourd'hui évolue en ce sens-là, et Fadjet Radio Associative aussi, nous on y est aussi. Donc vous pouvez effectivement nous suivre, pas uniquement sur le 94.2, mais sur le www.fadjet.net, sur le Facebook et sur Twitter également, donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre. Alors on est en début de saison, donc là tes équipes sont quand même presque constituées, mais est-ce qu'il y a encore un peu de place pour rejoindre, parce que là tu nous as donné envie. Oui. On sent que la matinale de Fadjet, il y a un vrai esprit, donc ça je trouve que c'est super intéressant. C'est des bénévoles, on le rappelle. Et donc oui, là aussi si, y a des gens qui nous écoutent là actuellement, s'ils ont envie de s'essayer à la radio, on entend bien avec toi, on apprend des choses. Tu nous disais tout à l'heure, c'est la radio aussi, c'est une manière d'apprendre les uns des autres. Donc si vous avez envie aussi de découvrir, bah, peut-être de rencontrer des gens que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, ça peut être encore possible. C'est encore possible de rejoindre l'équipe. Il y a des places, là on a cette heure-ci, on tourne à 4, mais on peut aller jusqu'à 5 aussi. Et donc en l'occurrence, il ne faut pas hésiter, on essaiera toujours de trouver une petite place sur un jour aussi en particulier, hein, parce que les gens ne sont pas disponibles tous les jours. Donc on s'arrange, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter pour rejoindre les équipes de la matinée. Donc tu redonnes peut-être une adresse directe. Alors l'adresse directe, ça peut être soit mon mail, tout simplement, donc c'est mon mail le personnel, c'est barthelemy.françois@hotmail.fr, ou directement contacter Yves aussi, hein, sur la radio, ou venir même dans les locaux, hein, aussi. Tout à fait. Pour rejoindre. On redit, Fadjet, c'est plus qu'une radio, c'est une maison. Ça. Donc c'est 47 ça. Rue Charles III. Il y a plein de gens qui viennent comme ça dire, bah voilà, j'ai entendu parler de la radio. Est-ce que c'est possible de participer à une émission, ou voilà. Donc si vous avez envie de participer à la matinale, si vous êtes un peu lefto, parce qu'il faut quand même avoir cette particularité-là et ce charisme-là, c'est d'arriver à se lever, à être à la radio vers 6h30 au moins un jour dans la semaine, et ben vous serez les bienvenus. Bien il y a sûr. Encore un petit peu de place sur la matinale de Fadjet. En tout cas, on retrouve toute ton équipe du lundi au vendredi. C'est ça. À partir de 7h. À partir de 7h, on le dit, hein, c'est encore 94.2 ou sur fadjet.net si vous n'êtes pas dans les coins. Mais essayez d'écouter en direct, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux. Hein, on peut même écouter en direct sur le site. Hein. Et mais exactement, tout à fait. Même si vous n'avez pas de poste FM, vous pouvez nous écouter sur le site. Ouais. En tout cas, un grand merci à toi, François, pour la manière de parler de cette émission. Bon. Exactement, tu donnes envie à la fois de venir rejoindre l'équipe et puis aussi peut-être, j'espère, de vous écouter tous les matins, et vous ne le regretterez pas. Venez nous rejoindre à partir de 7h du lundi au vendredi. C'est 94.2, service compris. Et on est vraiment à votre service. Et on vous réveille, je vous assure, dans la joie et la bonne humeur. Merci François, bonne continuation et belle saison à toi. Merci Fabienne. Mercredi 19h, 19h30, Made in Fadjet, l'émission des émissions de Fadjet.